FSA French Revised. Classroom expressions. Asseyez-vous. Asseyez-vous. La classe commence. La classe commence. Ne lisez pas. Ne lisez pas. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Écoutez la phrase. Écoutez la phrase. Parlez plus fort. Parlez plus fort. Que veut dire ce mot? Que veut dire ce mot? Traduisez. Traduisez. Dites-moi votre nom. Dites-moi votre nom. La leçon. La leçon. Je ne sais pas la leçon. Je ne sais pas la leçon. Non, je ne sais pas la leçon. Non, je ne sais pas la leçon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouvrez votre livre, s'il vous plaît. Ouvrez votre livre, s'il vous plaît. En français. En français. Répondez en français. Répondez en français. Tous ensemble. Tous ensemble. Répétez tous ensemble. Répétez tous ensemble. Après moi. Après moi. Répétez après moi. Répétez après moi. Encore une fois. Encore une fois. Répétez encore une fois. Répétez encore une fois. En anglais. En anglais. Bonjour en anglais. Bonjour en anglais. Comment dit-on bonjour en anglais? Comment dit-on bonjour en anglais? Nous sommes pressés. Nous sommes pressés. C'est parce que nous sommes pressés. C'est parce que nous sommes pressés. Fermez la porte. Fermez la porte. À monsieur de fermer la porte. À monsieur de fermer la porte. Demandez à monsieur de fermer la porte. Demandez à monsieur de fermer la porte. Vous appelez-vous? Vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle. Je m'appelle. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La question, s'il vous plaît. La question, s'il vous plaît. Répétez la question, s'il vous plaît. Répétez la question, s'il vous plaît. Dialogue number one. Dans la rue. Dialogue for listening. Listen. Dans la rue. Tiens, voilà Mademoiselle Courtois. Bonjour Jeannine. Bonjour madame, comment allez-vous? Très bien, merci. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Lelong. Je suis heureux de faire votre connaissance, mademoiselle. Bonjour monsieur. Avez-vous des nouvelles de votre frère? Oui, merci, il est à Lyon maintenant. Vos parents sont-ils toujours en vacances? Oui, et ma sœur est avec eux. Transmettez-leur mon meilleur souvenir. Il manquerait pas. Excusez-moi, je suis pressée. À bientôt, j'espère. Au revoir, Jeannine. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Madame Durand et monsieur Lelong. Quelle heure est-il? Il est 1 heure. Où allons-nous déjeuner? Voulez-vous aller au Café de Paris? Oui, c'est un très bon restaurant. Et il est près d'ici. Dialogue for learning. Repeat. Dans la rue. Dans la rue. Mademoiselle Courtois. Voilà Mademoiselle Courtois. Tiens, voilà Mademoiselle Courtois. Tiens, voilà Mademoiselle Courtois. Bonjour, Jeannine. Bonjour, Jeannine. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien, merci. Monsieur Lelong. Vous présentez Monsieur Lelong. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Lelong. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Lelong. Mademoiselle. Votre connaissance, mademoiselle. Faire votre connaissance, mademoiselle. Je suis heureux de faire votre connaissance, mademoiselle. Je suis heureux de faire votre connaissance, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Votre frère? Des nouvelles de votre frère? Avez-vous des nouvelles de votre frère? Avez-vous des nouvelles de votre frère? Oui, merci. Oui, merci. Il est à Lyon maintenant. Il est à Lyon maintenant. Toujours en vacances? Sont-ils toujours en vacances? Vos parents sont-ils toujours en vacances? Vos parents sont-ils toujours en vacances? Est avec eux. Et ma sœur est avec eux. Oui, et ma sœur est avec eux. Oui, et ma sœur est avec eux. Mon meilleur souvenir. Transmettez-leur mon meilleur souvenir. Transmettez-leur mon meilleur souvenir. Je n'y manquerai pas. Je n'y manquerai pas. Je suis pressée. Excusez-moi, je suis pressée. Excusez-moi, je suis pressée. bientôt, j'espère. À bientôt, j'espère. Au revoir, Jeannine. Au revoir, Jeannine. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Madame Durand et monsieur Lelong. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il est une heure. Il est une heure. Déjeuner. Où allons-nous déjeuner? Où allons-nous déjeuner? Au café de Paris. Voulez-vous aller au café de Paris? Voulez-vous aller au café de Paris? Très bon restaurant. C'est un très bon restaurant. Oui, c'est un très bon restaurant. Oui, c'est un très bon restaurant. Et il est près d'ici. Et il est près d'ici. Dialogue for fluency. Pupi. Dans la rue. Dans la rue. Tiens, voilà Mademoiselle Courtois. Tiens, voilà Mademoiselle Courtois. Bonjour, Jeannine. Bonjour, Jeannine. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien, merci. Permettez-moi de vous présenter monsieur Lelong. Permettez-moi de vous présenter monsieur Lelong. Je suis heureux de faire votre connaissance, mademoiselle. Je suis heureux de faire votre connaissance, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Avez-vous des nouvelles de votre frère? Avez-vous des nouvelles de votre frère? Oui, merci. Oui, merci. Il est à Lyon maintenant. Il est à Lyon maintenant. Vos parents sont-ils toujours en vacances? Vos parents sont-ils toujours en vacances? Oui, et ma sœur est avec eux. Oui, et ma sœur est avec eux. Transmettez-leur mon meilleur souvenir. Transmettez-leur mon meilleur souvenir. Je n'y manquerai pas. Je n'y manquerai pas. Excusez-moi, je suis pressée. Excusez-moi, je suis pressée. À bientôt, j'espère. À bientôt, j'espère. Au revoir, Jeannine. Au revoir, Jeannine. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Madame Durand et monsieur Lelon. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il est 1 heure. Il est 1 heure. Où allons-nous déjeuner? Où allons-nous déjeuner? Voulez-vous aller au Café de Paris? Voulez-vous aller au Café de Paris? Oui, c'est un très bon restaurant. Oui, c'est un très bon restaurant. Et il est près d'ici. Et il est près d'ici. Dialogue for participation. You are Madame Durand. Start. Bonjour madame, comment allez-vous? Je suis heureux de faire votre connaissance, mademoiselle. Bonjour monsieur. Oui, merci, il est à Lyon maintenant. Oui, ma sœur est avec eux. Je n'y manquerai pas. Excusez-moi, je suis pressée. À bientôt, j'espère. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Madame Durand et monsieur Lelon. Il est 1 heure. Voulez-vous aller au Café de Paris? Et il est près d'ici. Non, il y a mademoiselle Courtois. Tiens, voilà mademoiselle Courtois. Bonjour, Jeannine. Très bien, merci. Permettez-moi de vous présenter, monsieur Lelon. Je suis heureux de faire votre connaissance, mademoiselle. Avez-vous des nouvelles de votre frère? Vos parents sont-ils toujours en vacances? Transmettez-leur mon meilleur souvenir. Au revoir, Jeannine. Au revoir, mademoiselle. Madame Durand et monsieur Lelon. Quelle heure est-il? Il est 1 heure. Où allons-nous déjeuner? Voulez-vous aller au Café de Paris? Oui, c'est un très bon restaurant. Et il est près d'ici. Non, you are monsieur Lelon. Tiens, voilà mademoiselle Courtois. Bonjour, Jeannine. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Permettez-moi de vous présenter monsieur Lelon. Bonjour, monsieur. Avez-vous des nouvelles de votre frère? Oui, merci. Il est à Lyon maintenant. Vos parents sont-ils toujours en vacances? Oui, et ma sœur est avec eux. Transmettez-leur mon meilleur souvenir. Je n'y manquerai pas. Excusez-moi, je suis pressée. À bientôt, j'espère. Au revoir, Jeannine. Au revoir, monsieur. Madame Durand et monsieur Lelon. Quelle heure est-il? Où allons-nous déjeuner? Oui, c'est un très bon restaurant. Dialogue for comprehension. Listen. Dans la rue. Tiens, voilà mademoiselle Courtois. Bonjour, Jeannine. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Permettez-moi de vous présenter monsieur Lelon. Je suis heureux de faire votre connaissance, mademoiselle.